Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le phénomène de la goutte de lait au début du 20e siècle. C'est un désastre. 25 enfants sur 100 décèdent avant l'âge d'un an. Montréal est la ville qui connaît le plus haut taux de mortalité infantile au deuxième rang, tout de suite après Calcutta. Il faut dire qu'on nourrissait les bébés au lait. Mais de quel lait? Les récipients n'étaient pas stérilisés. Ce lait voyageait, non pas dans des réfrigérateurs, voyageait à la température ambiante, l'été comme l'hiver. C'est la mauvaise qualité du lait que boivent les nouveau-nés qui explique en grande partie le fort taux de mortalité infantile dont parle la romancière Pauline Gill dans cet extrait. Mais le Québec est loin d'être seul à faire face à ce taux alarmant de mortalité infantile au début du 20e siècle. En fait, le phénomène est occidental et partout en Occident, on verra bientôt apparaître ce qu'on va appeler la goutte de lait pour combattre justement ce taux effarant de mortalité chez les nouveau-nés. À cette époque-là, ici même à Québec, lorsque nous sommes revenus au bout de 5 ans, là, vous savez, c'était une procession. Il y avait peut-être 10 à 12 petits corbillards blancs, vous savez, pendant l'été, là, ça se promenait. Alors, est arrivée sur les entrefaites. Vous savez, la goutte de lait s'est fondée. C'est Mme Jules Tessier, vous savez, qui a été la bienfaitrice de l'enfance, on peut le dire, qui a fondé la goutte de lait à Québec. Elle, avec l'aide de plusieurs médecins qui revenaient d'Europe, entre autres le docteur René Fortier. Je crois qu'à Québec, il n'y a pas une seule famille qui n'a pas un enfant qui a été sauvé par lui. Vous savez, il arrivait avec la pasteurisation du lait et puis le certain régime que fallait donner aux enfants pour les sauver. Et là, il y avait des stations, des bureaux à différents endroits où les mères allaient consulter les médecins pour tâcher de guérir. C'est comme ça, vous savez, que ça a cessé. Elle a dû, Mme Tessier a dû épargner la vie d'une quantité d'enfants. Et ça a cessé, la petite procession a cessé. Madame Jean-Baptiste Giroux à l'émission Femmes d'aujourd'hui en janvier 1970 pour nous parler du contexte dans lequel va naître ce qu'on va appeler la goutte de lait. Je reçois Denise Baillargeon, qui est professeure retraitée au département d'histoire de l'Université de Montréal, auteure de nombreux livres sur l'histoire des femmes, dont l'ouvrage Un Québec en mal d'enfants, la médicalisation de la maternité de 1910 à 1970. Denise Baillargeon, bonjour. Bonjour. D'abord, de quoi on parle exactement quand on parle de la goutte de lait? On parle de cliniques de puériculture gratuites à une époque où la médecine ne l'était pas. Je pense qu'il faut bien le préciser. Ce sont des cliniques qui ont été fondées par des médecins, par des philanthropes, par des féministes aussi, qui s'installaient dans les quartiers ouvriers des villes et qui offraient donc aux mères un suivi médical préventif à leurs enfants, tout en distribuant du lait pasteurisé, du lait sain, d'où le nom « goutte de lait ». Ouais. Et ce nom-là, c'est un médecin français, en Normandie, à Fécamp, qui le trouve, le nom de « goutte de lait ». Tout à fait, c'est le docteur Léon Dufour, un nom très québécois d'ailleurs, qui va fonder la première goutte de lait française en 1894 et qui va lui donner ce nom-là de la goutte de lait d'après un vers d'Alfred de Musset. Et c'est parti, donc, et ça va vraiment exister. Je disais en Occident, mais plus que ça, Mme Baillargeon, il y a des cliniques en Amérique du Sud, là. Ce phénomène-là, il est partout, enfin, dans une très grande partie de la planète. Oui, il est partout. On retrouve des gouttes de lait sous différentes appellations un peu partout en Europe, en Amérique du Sud et éventuellement en Afrique également. Ouais. Il y a le contexte, on va y revenir, on en parlait, Pauline Gill parlait de, au départ, ce qui pose problème, c'est la qualité du lait que boivent les poupons, qui va conduire à ce fort taux de mortalité infantile, et le lait qu'ils boivent n'est plus le même qu'ils avaient l'habitude de boire pour une bonne raison. Il y a un contexte nouveau, le contexte d'industrialisation, d'urbanisation au début du 20e siècle. C'est dans ce contexte-là qu'apparaissent chez nous ces cliniques de la goutte de lait. On écoute à ce sujet un extrait de la série documentaire Épopée en Amérique, série qui a été réalisée par Gilles Carle en 1998. Vous allez y entendre, entre autres, l'historien Jacques Lacourcière. C'est au cours de la décennie 1911-1921 que la population urbaine devient plus importante que la population rurale. En 1911, elle était de 48 % et 10 ans plus tard, elle a atteint 56 %. En 1931, l'île de Montréal comprend à elle seule 35 % de la population totale de la province de Québec. Malgré une certaine prospérité engendrée par la Première Guerre mondiale, la misère existe quand même dans beaucoup de milieux. Pour lutter contre cette situation, on va mettre sur pied l'œuvre de la goutte de lait pour venir en aide aux familles indigentes. En 1914, la ville de Montréal commence à filtrer l'eau potable. Elle ouvre des dispensaires dans plusieurs quartiers défavorisés au cours des années 1920. Le nombre des infirmières qualifiées augmente de façon importante. Ah, c'est intéressant ce qu'on entend, Denise Baillargeon. Évidemment, c'est le contexte très large qu'on vient d'entendre, mais ça fait partie de la problématique de la goutte de lait, l'urbanisation. Ça veut dire parfois des conditions de vie difficiles. Oui, les gens quittent la campagne, arrivent en ville pour travailler. Il y a une certaine prospérité, mais il y a aussi des conditions parfois très, très difficiles. Puis c'est donc le début de la naissance d'un système plus organisé de soins de santé. Parlez-moi de ce contexte-là, du contexte qui verra naître chez nous la goutte de lait. Oui, alors un peu comme dans tous les pays industrialisés ou qui sont en train de s'industrialiser, la mortalité infantile va augmenter de beaucoup au tournant du 20e siècle. Il faut comprendre que la mortalité infantile, c'est pas un phénomène nouveau. Les nourrissons meurent facilement en l'absence d'une médecine moderne, si on veut. Mais dans les campagnes, c'est sûr qu'on est plus proche des approvisionnements de lait. Ouais. Et donc, même si les mères n'allaitent pas, donner du lait de vache au bébé, c'est moins dangereux. Un lait de qualité à la campagne, en gros. Oui, voilà. À la ville, là, c'est vraiment terrible. C'est un peu comme ce que Pauline Gill décrivait. Le lait est très... dans des bidons. Il est versé dans des bidons qui ne sont pas nécessairement lavés, encore moins stérilisés. Le lait est laissé sur le quai des gares parfois 24 heures avant que le train arrive. Par une chaleur de 30 degrés ou en plein mois de juillet, vous imaginez tous les germes qui peuvent se développer. Arrivé en ville, ce lait-là est souvent vendu en vrac dans des épiceries qui ne nettoient pas leur contenant. Alors, il y a de multiples occasions pour le lait d'être contaminé et ce lait est donné à des nourrissons. Donc, ça crée évidemment une hécatombe absolument. Et là, on commence à s'inquiéter beaucoup de ce phénomène-là. Ouais. Parce que en même temps, on voit défiler, comme le disait la dame au début de l'émission, la succession de petits corbières, corbières blancs, de petits cercueils blancs. Oui, tout à fait ça. La procession des corbières blancs, c'est une image très forte qui est reprise par beaucoup de médecins et d'observateurs de l'époque. Parce qu'ils se plaignent, évidemment, de tous ces enfants, de tous ces bébés canadiens-français qui meurent. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette lutte contre la mortalité infantile qui s'engage à ce moment-là, c'est aussi une lutte nationale, ouais, en quelque sorte. Et dans tous les pays où on crée des gouttes de lait, c'est un peu la crainte de voir la nation s'effriter, se dégrader, de voir la nation devenir moins importante, numériquement parlant, par exemple, vis-à-vis une autre nation ennemie. C'est le cas de la France où, dans les années 1890, il y a un déclin de la population, ouais, à cette époque-là, pendant que l'Allemagne, elle, l'ennemi séculaire qui a gagné la guerre de 1870, est en train de refaire, ouais, ses forces. Alors, en France, il y a ça. Au Canada anglais, aux États-Unis, on a peur de voir tous ces immigrants qui arrivent et on a la certitude que ces immigrants vont envahir, mm-hmm, le pays, entre guillemets, bien sûr, et qu'ils vont finalement prendre le dessus sur les populations d'ascendance britannique. Donc, d'où l'importance de sauver les poupons pure laine, si on peut dire, non, mais parce que les taux de mortalité sont de l'ordre de ce que Pauline Gill disait. Là. À Montréal, c'est quoi? 25 enfants? C'est 25%. C'est en fait, ou 25 pour 250 pour 1000, c'est un enfant sur quatre qui meurt avant d'avoir atteint sa première année de vie. Alors, ce sont des chiffres vraiment catastrophiques. Et il faut voir qu'aujourd'hui, par exemple, le taux, pour avoir un mm-hmm, effet de comparaison, le taux, c'est 0,5% ou 0,05 pour 1000. Alors, on est bien en deçà de ces chiffres qui, à l'époque, sont véritablement catastrophiques. Ouais. Donc, les cliniques vont apparaître en France, donc, dès la fin du 19e siècle. Chez nous, au Québec, en tout cas, c'est au début du 20e siècle, autour de 1900-1901 à Montréal, puis vous allez le voir dans l'extrait qu'on entend tout de suite, vers 1915, pour ce qui est de la ville de Québec. On écoute l'historienne Joanne Daigle, justement, parler du cas de Québec à l'émission « Samedi de prendre le temps » en juillet 2008. Il y a des dames patronesses, comme on les appelait à l'époque, qui ont voulu faire quelque chose pour améliorer le sort de ces bébés-là en mettant sur pied les gouttes de lait. Les premières sont mises en place en 1915 à Québec. Évidemment, elles suivent les zones de pauvreté. Les quartiers Saint-Roch, ensuite Saint-Sauveur, puis le long de la rivière Saint-Charles dans Limoilou. Et puis, elles étaient sur une base paroissiale. Même si ce sont des œuvres laïques, elles ne dépassent pas les limites de la ville de Québec. D'abord, la base ville, il y en aura très, très peu en haute ville. Et puis, pour la majorité, elles sont mises en place entre 1915 et la crise économique des années 1930. Donc, à Québec, vers 1915, nous dit cette historienne, Joanne Daigle, les premières gouttes de lait. À Montréal, un peu plus tôt, c'est quoi, autour de 1901 que ça apparaît? En 1901, il y a la création d'une première goutte de lait par le quotidien La Patrie. C'est la journaliste et chroniqueuse Madeleine, ou Anne-Marie Gleason de son vrai nom, qui va proposer à son journal de payer pour installer une goutte de lait. La Patrie va subventionner cette goutte de lait pendant 6 mois, mais ensuite la goutte de lait va disparaître parce que la ville de Montréal ne va pas juger bon de prendre la relève. Du côté des anglophones, il y a une goutte de lait, en anglais on disait des Well Baby Clinics, qui est fondée, qui est associée à un hôpital qui va plus tard, un hôpital, en fait c'est une maternité, de Montreal Baby and Foundling Hospital, qui va plus tard être affilié au Children's quand il va être fondé en 1900. Donc, on a ces deux premières gouttes de lait-là, mais le mouvement ne dure pas à ce moment-là. Ouais. Il reprend à partir de 1910. Ouais. Et c'est, on l'évoquait dans l'extrait qu'on vient d'entendre, l'historienne Joanne Daigle parlait d'une, au début, en tout cas, quand ça revient, en 1915 à Québec, vers 1910 à Montréal, c'est une structure qui est de type paroissial, essentiellement. Oui, parce que notamment à Montréal, mais comme à Québec d'ailleurs, ce sont des prêtres et des médecins qui vont prendre ça en main et qui vont créer de nouvelles gouttes de lait. Donc, la goutte de lait canadienne-française aura une base paroissiale, ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans les cliniques anglophones qui se créent aussi au même moment. Chez les anglophones, les femmes vont jouer un rôle beaucoup plus important aussi dans la création de ces cliniques. Souvent, ce sont des femmes qui initient ces créations, alors que ce n'est pas le cas du côté francophone. Et même quand les féministes vont tenter d'améliorer le fonctionnement des gouttes de lait paroissiales existantes, elles vont se faire rabrouer, en fait. Les médecins et les prêtres qui dirigeaient déjà les cliniques ne veulent pas que les femmes s'en mêlent parce que dans leur esprit, c'est vraiment une question de survie nationale que la goutte de lait, c'est un sujet donc politique majeur. Et pour eux, les chefs de file de la nation, bien évidemment, ce sont des hommes et pas des femmes. Ouais, l'empreinte, je pense qu'on peut le dire, l'empreinte de l'Église, puisque c'est des structures paroissiales où les hommes d'Église sont très présents. Oui. La santé, de toute façon, à ce moment-là, au Québec, c'est l'affaire de l'Église. C'est ce qui fait qu'on va, passez-moi l'expression, un petit peu tasser, en tout cas, marginaliser le rôle des femmes. Non, tout à fait. En anglais, pas du tout. Les anglophones, pas du tout. Et d'ailleurs, la ville de Montréal va aussi tenter de modifier le fonctionnement des gouttes de lait paroissiales parce qu'elles n'étaient pas très bien tenues selon les normes hygiénistes de l'époque. Alors, la ville essaie, tant bien que mal, de les forcer, par exemple, à embaucher des infirmières, mais ça ne fonctionne pas vraiment, si bien qu'à partir de 1919, la ville de Montréal va décider de créer ses propres consultations de nourrissons qui vont également être appelées gouttes de lait par la population, parce que la population ne discerne pas vraiment qui dirige les cliniques. Et ça, c'est une spécificité de Montréal, parce qu'à Québec, la ville de Québec ne va jamais prendre en charge les gouttes de lait. Ça va demeurer une association caritative jusqu'à sa disparition, jusqu'à leur disparition dans les années 60. Est-ce qu'il y en a ailleurs qu'à Montréal et Québec? Il y en a eu à Sherbrooke, il y en a eu à Hull, il y en a eu à Trois-Rivières aussi. Ouais. Mais c'est limité à ces grandes ville-là, et c'est seulement à Montréal où l'administration municipale a joué un rôle. Et ça se passe comment? Parce qu'au fond, à Montréal, il y aura cette particularité de la cohabitation, de la présence de deux réseaux, le réseau privé, celui des églises, des paroisses, et le réseau public, celui mis en place par les villes. Ça va se passer comment, la cohabitation, Denise Baillargeon, entre ces deux réseaux? Alors, ça se passe relativement bien parce que la ville, en fait, va décider de ne pas aller jouer dans les plates-bandes des cliniques paroissiales. Les cliniques paroissiales francophones continuent de se tailler une mauvaise réputation. Et plus le temps avance, en fait, plus leur réputation est mauvaise parce que plus leur fonctionnement s'éloigne des standards hygiénistes en vigueur. Mais la ville n'intervient pas. Elle reste attentiste dans ce dossier-là. Et finalement, les gouttes de lait paroissiales vont finir par disparaître au début des années 50 seulement. De leur côté, les cliniques privées anglophones, qui avaient aussi été fondées en même temps que les cliniques paroissiales, elles vont accepter avec le temps d'être municipalisées. Ouais. Donc, elles vont être intégrées au réseau municipal. Ouais. Il y a les médecins, en fait, certains médecins, qui vont voir ces cliniques d'un mauvais œil, en se gênant pas pour sourciller. Pourquoi? Parce que ces cliniques offrent un suivi médical gratuit aux bébés. En principe, les médecins qui travaillent à la goutte de lait ne doivent pas diagnostiquer de maladies, ne doivent pas faire de médecine curative. Leur mandat est de vraiment faire de la médecine préventive uniquement. Ouais. Mais malgré tout, on voit là que y en a qui dépassent un peu ce mandat-là et qui vont quand même dire aux mères de quoi souffre leur bébé. Ils vont diagnostiquer une otite, par exemple, ou des choses comme ça. Et ils vont même leur offrir des médicaments qu'ils reçoivent, là, des échantillons qu'ils reçoivent gratuitement des entreprises pharmaceutiques. C'est une forme de concurrent. Vu de l'œil du médecin là, qui gagne sa vie, parce qu'il faut le rappeler, à ce moment-là, la médecine n'est pas gratuite. Non. Il y a une forme de concurrence déloyale. Oui, complètement. Pour les médecins de famille, on considère que la goutte de lait, finalement, elle tue le médecin de famille, littéralement. Il y a même un médecin qui avait dit un peu à la blague, il doit y avoir moyen de sauver les bébés sans faire mourir les médecins. Ouais. Alors, voyez un peu le contexte de concurrence entre les deux. Ouais. Ça se passe comment? Ça va être un grand succès, la goutte de lait, mais comment ça se passe pour... Et quel genre de succès, justement, ça va avoir auprès des mères québécoises? Si on veut parler chiffres, en fait, dans les années 30, il y a une soixantaine de cliniques à Montréal, à peu près. Donc, elles se sont multipliées. Et d'après les calculs que j'ai faits, il y aurait à peu près un tiers des bébés qui allaient au moins une fois à la goutte de lait. Dans les années 50, on est rendu à près de 90 cliniques, donc le chiffre a encore augmenté. Et rendu là, c'est presque les trois quarts des bébés qui vont au moins une fois à la goutte de lait. C'est énorme. Alors, c'est vraiment énorme. C'est généralisé, complètement. Il y en a à peu près dans toutes les paroisses. Et les femmes ont appris à utiliser ce service-là et à le mettre à leurs mains, en quelque sorte. Parce qu'on les attire là sous prétexte d'abord de leur donner du lait, mais surtout de leur donner des conseils et de vacciner leur bébé. À partir des années 20, pardon, on va organiser des concours aussi pour attirer les mères. On offre des prix qui sont quand même assez intéressants pour l'époque, pour qu'elles amènent leur bébé de façon assidue pendant tout l'été à la goutte de lait, parce que l'été, c'est évidemment la saison la plus dangereuse pour les diarrhées. Alors, les mères, ils vont d'abord pour ça, pour le lait, pour le concours, pour gagner les prix, etc. Mais dans les années 30, il n'y a plus de concours, il n'y a plus de distribution gratuite de lait. Et pourtant, ça augmente. La fréquentation augmente de beaucoup pendant cette décennie-là. Pourquoi? Parce que les mères voient qu'elles reçoivent véritablement des services médicaux importants pour la survie de leurs enfants. Elles ont comme intégré ce message des médecins leur disant « Votre bébé, il peut survivre à la condition que vous veniez à la goutte de lait et que vous suiviez les conseils d'hygiène qu'on vous donne, que vous fassiez vacciner votre enfant. » Alors, elles y vont pour cette raison-là. Elles y vont aussi parce que la goutte de lait devient, avec le temps, un lieu de sociabilité pour les mères. Les mères se retrouvent là une fois par semaine, entre elles. Elles habillent leur bébé avec ses plus beaux vêtements. Elles viennent le présenter aux autres. Elles viennent finalement se valoriser dans leur rôle de mère. Et elles parlent entre elles et elles s'échangent des conseils et des trucs, m'ont-elles dit, alors que précisément les médecins voulaient éviter que les femmes s'échangent des trucs et des conseils et qu'elles... Les médecins, ce qu'elles voulaient, c'est que les mères ne suivent que leurs conseils à eux, évidemment. Ouais, ouais. Ça va, cela dit. Donc, l'âge d'or, c'est, vous direz, autour de... Moi, je dirais que l'âge de Goodellet, c'est des années 30 aux années, au début des années 60. Ouais. Et donc, ça s'estompe. Ça commence à s'estomper pour disparaître complètement fin des années 60? Oui, à la fin des années 60. En fait, ce qui se passe dans les années 60, c'est que la Goodellet n'est plus aussi nécessaire. D'abord parce que la population est plus riche qu'avant. Le niveau de vie a véritablement augmenté. La pauvreté extrême a reculé. Non pas que la pauvreté n'existe plus, mais l'extrême pauvreté a quand même reculé. Et puis, la médecine a fait d'énormes progrès, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, on a découvert les antibiotiques, donc on peut combattre les infections. Il y a beaucoup moins de bébés qui meurent. Il y en a encore beaucoup trop. On est, dans les années 60, autour de 20-25 pour 1000. C'est encore beaucoup, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Oui, c'est 10 fois moins qu'au début du siècle. Donc, la nécessité de maintenir cette infrastructure de médecine préventive ne va plus apparaître aussi cruciale aux yeux des autorités publiques, d'autant plus que les villes qui avaient la charge de cette santé préventive sont en train de perdre cette juridiction au profit du gouvernement du Québec qui va centraliser tout le domaine de la santé et qui va du même coup aussi rendre la fréquentation de médecins accessible à tous par le programme. C'est le début du régime public. Voilà, c'est l'assurance maladie. Et donc là, on peut avoir son médecin de famille et aller le voir aussi souvent qu'on veut. Enfin, à l'époque, c'était encore possible. Ouais. Et voilà. Donc, les gouttes de lait vont apparaître comme une infrastructure désuète, finalement, qui n'a plus son utilité. Est-ce qu'on peut dire que la goutte de lait, c'est quand même un petit peu le... Je ne sais pas dans quelle mesure Claude Castonguay, le père de l'assurance maladie au Québec, s'est inspiré de la goutte de lait, mais est-ce que ce n'est pas la goutte de lait, le début de ce qui va devenir cette vision qu'aura le Québec et d'autres États d'une médecine publique accessible à tous, d'un réseau en bonne et due forme? Oui, c'est clair que cette infrastructure sociale, socio-sanitaire, c'est le début de cette idée que la santé, c'est un droit, la santé doit être accessible à tous, la bonne santé doit être accessible à tous, et donc il faut donner aux gens les moyens pour se maintenir, se garder en bonne santé. Denise Baillargeon, c'était passionnant. Professeure à la retraite au département d'histoire de l'Université de Montréal, auteure, entre autres, du livre « La brève histoire des femmes au Québec » et de l'ouvrage « Un Québec en mal d'enfant, la médicalisation de la maternité de 1910 à 1970 ». Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.